C'est si bon d'être célibataire, c'est si bon de garder sa gaieté, de toujours diriger sa galère, environ avec le vent la liberté. Tu dis ça, t'as peut-être raison, parce que tu couches sous les ponts, mais tout de même c'est merveilleux de vivre à deux. Le bonheur dans le foyer, c'est du flan, faut pas se marier. Qu'on soit richard ou clochard, tu peux m'en croire, car c'est si bon d'être célibataire. C'est peut-être toi qui es dans la vérité. Quand on est passé devant le maire, c'est fini, il est trop tard pour regretter. C'est la loi, écoute-moi, si tu me bats, tu verras que ça ira. T'as pas tort, soyons forts, c'est d'accord, après tout on s'en fout. C'est si bon d'être célibataire, de sortir quand il faudrait rentrer, de promener la fille sans la belle-mère, et de ne pas faire la vaisselle après le dîner. D'abord c'est bon de savoir qu'on ne sera jamais veuf, qu'on pourra être tous les soirs plein comme un œuf, faire des taches sur ses habits et fumer la pipe au lit en rêvant l'œil égrillard à une star. Car c'est si bon d'être célibataire, en pensant que dans la société on pourra toujours lever son verre, en vivant à la santé, la liberté. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, reviens là-bas, là-bas. Ce ne sera pas pour nous, puisque nous, ces trucs-là, on s'en fout. C'est si bon d'être célibataire, c'est si bon de garder sa gaieté, de toujours diriger sa galère, en vivant avec le vent de la liberté.